En 1920, toute cette rue-là, elle était habitée. Ah ben, il y a beaucoup de luthiers dans le temps par ici. Ah, il y avait. Oh là, énormément. Énormément. Il y avait beaucoup de luthiers. Oui. Alors, les gens se levaient le matin, allaient travailler, vous voyez, ça sortait de partout. Mmh. Il y avait pas mal de luthiers, oui. Comme au Faubourg Saint-Vincent. Faubourg Saint-Vincent, par ici, c'était le vieux Mirecourt, c'était le fief des luthiers. Ah, d'accord. Ah, oui.